Yeah. Cette pute quoi j'ai pas, c'est pour nous traquer quoi qu'on le sait pas. A la money dans la sébelle, j'arrive des quartiers les plus chauds de la savane. Narata Savastano, j'vais tous les savants stunner. Armani Ferragamo, le rêve est soigné. Young and rich, young and rich, j'veux le dumpy du démon comme Teach. J'ai fait le tour de leur bise, j'ai fait le tour de ces nasty bitches. J'ai gâte sans le mou, oh my god, elle est trop nebou, mais trop conne. Je la prends debout dans les shots, je l'emmènerai ma part au resto. Wow, son obu bitch, on sait tous que t'es un snitch. Yeah, tu parles au chmash, t'as vendu la mèche, on va te make a meal. Yeah, t'en as du bitch, pensez tous que t'es un bitch. Ouais, tu manges avec nous, tu vomis tout chez la police. Ouais. T'es pas le charron, t'as toi de pigeonne. Même si tu racontes que des mythos, comme un lot de pigeon. Dans le fond du bloc, mais Harvey Bédégo, galoche Marie-Jeanne. J'suis abonné, ouais, j'suis abonné. Parce que j'dis la vérité, j'suis pas imposé. Faut ta police, ouais, faut ta police. Et tous ces politiques comme Marie qui nous polluent. H24, tu le run, t'aimais pas pour percer dans le foot. 9 mm éganté, on fait des trucs de fou. Génération racisme et printemps arabe. Oh hey yeah. Génération pour des pesos tonicaras. Oh yeah. Et le juge nous condamnera pour un 12 meuches de robe la sarbi. Parce que pour lui on est bon qu'à ça, remplir les prisons comme nos casières. Et le juge nous condamnera pour un 12 meuches de robe la sarbi. Parce que pour lui on est bon qu'à ça, remplir les prisons comme nos casières. Oh baby, remplir les prisons comme nos casiers. Oh baby, remplir les prisons. Même si tu racontes que des mythos, comme un lot de division. Dans le fond du bloc, mais Harvey Bédégo, galoche Marie-Jeanne. Ma gamme, c'est un parabellum, elle est plus.